sur le terrain. Aujourd'hui, on est en train de faire des pesos. Quand t'es petit avec mes os, s'en est passé des choses. Quand c'était laisse-moi la monnaie, ou demain je crache dans la sauce. Ou encore, oui, je viens les éducateurs. Y'a moyen que je crache dans la sauce. Avec mes sauces, poteau, j'étais au checker la semaine dernière. J'ai cru que les cafés c'était scato. Quand les puces, tu me colles derrière. Avec mes sauces, l'ami, on en a mis des coups de couteau. Quand le vase il était rempli, on avait tous le rôle de la petite goutte d'eau. Ouais, mon clés, avec mes sauces. Stanyu, gata, avec mes sauces. Ou Kataka, avec mes sauces, avec mes gars. On s'est fait tourner les guerres comme des zers de Taga. Avec mes sauces, avec mes sauces. Pour le Tchekar, on a bataillé. Avec mes sauces, on a bigrave, on a détaillé. Avec mes sauces, on a fait les 400 coups. Avec mes sauces, on a mangé des pâtes sans goût. Avec mes sauces, on s'appelle par des blagues chelous. Avec mes sauces, un truc typique, t'as les gars de chez nous. Avec mes sauces, on a passé des beaux moments. Avec mes sauces, ça se finira, je sais pas comment. Avec mes sauces. Avec mes sauces on parle de tout, des faux et des vrais. Du son frais du dernier épisode de Prison Break. On parle film, foot, poker, alors faites vos jeux. Du putain Messi, du missile à close. On parlera si t'as le temps des femmes évidemment. Notre contraire, nous c'est vital, non. On fera connaissance, on ira boire un verre. Je te présenterai mes frères que je connais depuis ma naissance. On a partagé les souffrances, les miettes du gâteau. Les copains d'abord, l'expression, pas le nom du bateau. On a les mêmes vices, on a les mêmes vies. On a tous été entraînés par Jacques Mendy. On a tous porté les couleurs de la goutte d'or. Quand on pense à Daddy coule sur la joue comme une goutte d'eau. J'espère que mes sauces là-haut nous écoutent fort. On est encore en vie jusqu'ici, on a beaucoup de peau. Dans mes poteaux y'a des vénères et des mecs posés. Des brouillards, slarvis à la Kaiser Sosé. Des loups des anciens qui ont connu la mixtape. Ils sont capables de mettre une disquette à Bill Gates. Pour le Tchekar on a bataillé. Avec mes sauces. On a bigrave, on a détaillé. Avec mes sauces. On a fait les 400 coups. Avec mes sauces. On a mangé des pâtes sans goût. Avec mes sauces. On s'appelle par des blagues chelous. Avec mes sauces. Un truc typique, t'as les gars de chez nous. Avec mes sauces. On a passé des beaux moments. Avec mes sauces. Ça se finira, je sais pas comment. Avec mes sauces. Procureur, espèce d'ordure, nique ta mère. Oh mec, on baisse pas la température en faisant péter le thermomètre. Pour une barrette, ils nous mettent des peines de meurtrier. Avec mes sauces pour se griller, on a pas mis que le pied à l'étrier. On a 6000 doigts dans le trou du cul de la sevrante. Qu'ils inventent 36000 lois qui volent un œuf, violent un enfant. Les donc niquez vos mamans, ramenez-moi de la scène 6000 avant que je sorte à 11. 43 et que je vous fasse danser le milliard. Grosse dédicace à Naseyas. Je suis là où t'arrêtes pas les poils, même si t'engages Casillas. Là, ce qui me ferait kiffer, une billette ou une Cadillac. Mais bon, star, si je dois m'esquiver, car rien 36 c'est le FBI. Nique les juges, ces bâtards kiffent nous voir souffrir. À croire qu'il y a direction le placard, t'arrêtes qu'on verra les portes s'ouvrir. Plusieurs mois et puis m'ont rajouté 5 ans. Mon rêve, ok, c'est le million. Moi, je sais pas, je vais fêter 5 ans. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de savoir c'est qui mon testueux. M'a pas appris à écrire Dexte, Tenia, puis grave Dexte. Pareil, les petits poissons ils deviennent vite des requins vicieux. Si aujourd'hui tu dis pas, pardon, te mettre ironique ta mère, monsieur, ok. Avec mes sauces, belle vie. Avec mes sauces, pour le Tchekar on a bataillé. Avec mes sauces, on a bigrave, on a détaillé. Avec mes sauces, on a fait les 400 coups. Avec mes sauces, on a mangé des pâtes sans goût. Avec mes sauces, on s'appelle par des blagues chelous. Avec mes sauces, un truc typique, t'as les gars de chez nous. Avec mes sauces, on a passé des beaux moments. Avec mes sauces, ça se finira, je sais pas comment. Avec mes sauces. On va te réveiller. J'ai connu tous les excès. Quand je sors en discothèque, c'est pour être croire que je suis vaccin. On est toujours là en train de se taxer. J'en ai fait des kilomètres. J'ai toujours été honnête. On a passé des bons moments. Ça se finira, je sais pas comment. Avec mes sauces. Dans ce crête, dans ce crête.